las canas. Donne-moi, donne-moi, entendu, donne-moi le tamin. C'est les oiseaux que tu entends, les cascades. Le triomphe, c'est le triomphe des civilisations. C'est la puissance, le trône des airs. De la Jamaïque. Would you? Yes, thank you. Thank you. C'est ma faute, pardon. I'm sorry, guys.